Tragique, satanique, nuit. Tragique, diabolique, nuit. Maléfique, tragique, hystérique, fatidique, tyrannique, impudique, tragique, hermétique, nostalgique, chaotique, tragique, magnétique, dramatique, pathétique, despotique, tragique.